4, les études de théologie, les amis de jeunesse. Nous l'avons vu déjà dans la première période de sa vie prendre les leçons d'un docteur de Louvain. Il s'était enfermé avec lui à la campagne, aux environs de Paris, et s'était jeté avec une telle ardeur dans ses études que sa santé même s'en était ressentie. Nous savons aussi qu'il avait étudié sous le célèbre docteur Jacques Hennequin. On a dit enfin qu'il avait eu pendant quelque temps pour maître l'anglais Richard Smith. L'ensemble de ces renseignements nous permet de distinguer parmi les diverses écoles du temps celle à laquelle Richelieu paraît se rattacher tout d'abord. De famille noble, sorbonien, évêque, il fut un gallican, un épiscopaliste. Le jansénisme même paraît l'avoir approché d'assez près. C'est comme une sorte de prédestination qui réunit tout d'abord autour de lui les plus illustres protagonistes de la doctrine. Jansénius, belge, après avoir étudié à Louvain, vint à Paris vers 1605 et y resta jusqu'en 1610. Il se fit remarquer en Sorbonne, précisément à l'époque où Richard en était le syndic et où Richelieu y prenait lui-même ses grades. Richard Smith, de Dominis, archevêque de Spalatro, tenait alors la tête de la doctrine épiscopale et gallicane et menait vivement la campagne contre la phalange romaine et ultramontaine des jésuites. Dans ce long séjour à Paris, Jansénius se lia avec Duvergier et de Horanne, plus tard abbé de Saint-Cyran, l'autre père du jansénisme. Ce Saint-Cyran est une figure d'athlète. L'ambition le dévore, l'ambition la plus haute, la plus désintéressée, mais l'ambition. Il y a en lui je ne sais quel feu sombre qui ne trouve son aliment que dans la domination. Je ne sais quelle soif ardente de se distinguer du reste du monde et d'être de ceux que rien n'émeut. Les grands sont si peu capables de m'étonner, écrit-il, que si j'avois trois royaumes, je les leur donnerais, à condition qu'ils s'obligeraient à en recevoir de moi un quatrième dans lequel je voudrais régner avec eux, car je n'ai pas moins un esprit de principauté que les plus grands potentats du monde. Si nos naissances sont différentes, nos courages peuvent être égaux. Tête ronde, tourmentée, brutale, esprit paradoxal, autoritaire, qui cherche à s'isoler de la foule, des passions communes et des idées courantes, qui est, les jésuites, peut-être autant pour ce qu'ils ont de trivial que parce qu'ils déploient de souplesse pratique dans leur prétention à la domination des âmes. Or, ce Duvergier de Horanne fut le grand vicaire de l'évêque de Poitiers, Chastignier de la Roche-Posay. Il est l'ami intime de Le Routillier, abbé de la Cochère, doyen de Luron, le conseiller le plus précieux et le plus aimé de notre évêque. Ces deux hommes méritent aussi l'attention de l'histoire, le premier parce que sa destinée a de singulier, de piquant, de dépaysé dans le siècle où il vécut, le second par la façon étroite dont il fut mêlé au début de Richelieu et aux premières luttes du jansénisme. Chastignier de La Roche-Posay d'Abbin était fils de ce La Roche-Posay d'Abbin, célèbre parmi les combattants des guerres de religion et ami particulier du père de Richelieu. Les deux pères, tous deux poitevins, avaient combattu pour la cause royale. Tous deux, ils avaient été parmi les féaux serviteurs de Henri III, en Pologne. Tous deux, ils avaient servi la même cause dans leur province. L'amitié des deux pères créa l'amitié des deux fils. En 1608, l'année même où Richelieu devenait évêque de Luçon, La Roche-Posay était désigné pour l'évêché de Poitiers. Il coiffa la mitre en 1611. Au début, il avait, moins encore peut-être que Richelieu, la vocation ecclésiastique. C'était un tempérament vif sous les aspects de la froideur, un esprit très ouvert, un cœur très ferme et très vaillant. Les évêques de cette époque n'ont rien de bénisseur, lui moins que tout autre. Sa ronde figure, au regard genêt, telle que nous la montre un portrait conservé dans la salle capitulaire de l'église de Poitiers, est charmante. Mais ce regard presque enfantin a de la fermeté, et la bouche, à la moue épaisse, respire la résolution. C'est la ressemblance frappante du père, le combattant des guerres de religion. Le fils était lui aussi un homme d'action. Il aimait la discussion, la lutte et même la bataille. Son rôle à Poitiers durant la régence de Marie de Médicis fut tout de combat. Arrivé à Poitiers en 1612, au milieu de la lutte des partis, il voulut prendre part au gouvernement de la ville, disant qu'il était d'assez bonne maison pour cela, alléguant les devoirs de sa charge, la tranquillité publique, la loi suprême de la nécessité. C'est lui qui fit assassiner, sans autre forme de procès, un certain Latry, envoyé par M. le Prince à Poitiers durant l'époque des troubles. Il allait, cuirassé et la pique à la main, assisté de 12 cavaliers avec le pistolet à l'arçon de la selle et quelques 40 hommes à pied ayant chacun la carabine sous le manteau et conduit par le sergent de la compagnie, l'abbé de Notre-Dame. C'était comme on le voit un fier évêque. Il était fait pour s'entendre aussi bien avec Richelieu qu'avec Duverger de Haurane. Il prit en effet celui-ci pour son grand vicaire, le nomma chanoine de son église et le désigna pour l'abbaye de Saint-Cyran. En revanche, c'est pour défendre la conduite de son évêque que le futur chef du jansénisme français écrivit l'opuscule célèbre contre ceux qui disent qu'il est défendu aux ecclésiastiques de porter les armes en cas de nécessité. Des relations d'amitié très étroites et très actives se nouèrent entre les deux évêchés voisins de Poitiers et de Luçon. Routhillier, abbé de la Cochère, doyen de Luçon, servait de trait d'union. C'était une figure plus effacée. Adroit, souple, insinuant, il est le grand agent de la première fortune de Richelieu. Comme tous les boutilliers, excellent au second rang. On le trouve partout. C'est un intermédiaire, un officieux. Il fit de Richelieu un cardinal et c'est sous ses auspices que le jansénisme se fonda. En 1620, il présenta l'abbé de Saint-Cyran, son ami, il était l'ami de tout le monde, à son autre ami, Arnaud d'Andilly. « Voici M. d'Andilly, dit-il, voilà M. de Saint-Cyran, et il les laissa aux prises. » L'abbé de la Cochère mettait dans les relations des évêques de Poitiers et de Luçon et du grand vicaire de Poitiers le lion qui eût fait défaut dans ce trio de personnalités vigoureuses. Il allait de l'un à l'autre, ne perdant pas de vue ce qui pouvait servir aux intérêts de son maître. On a déjà cité ce texte de Lancelot. La liaison du cardinal de Richelieu et de M. de Saint-Cyran avait commencé dès qu'il était évêque de Luçon et que M. de Saint-Cyran demeurait chez M. de Poitiers, car M. de Luçon venait souvent s'y divertir. La nature de ce divertissement nous est attestée par plusieurs contemporains. Il s'agissait de sérieuses et profondes études de théologie et de controverses. Un autre prélat, ami de l'évêque de Luçon, Gabriel de l'Aubépine, évêque d'Orléans, était renseigné sur les travaux de ce cénacle, et sa bonne humeur enjouée en enviait parfois l'austère fécondité. « J'irai à la carême prenant à Orléans, écrit-il à son ami, pour y étudier un peu, pour vous imiter, et comparer mes études et mes passe-temps à vos entretiens. » Dans une autre lettre, « J'ai reçu toutes vos lettres, et me plains que vous étant mis à la controverse, vous ne m'en mendiez rien. Ayant amené deux Anglais pour vous y servir, vous ne m'en ayez ni parlé ni écrit. J'ai toujours fait grand état de votre courage, est-ce chose spirituelle et ecclésiastique, ajoute-t-il, et maintenant que vous étudiez si âprement, vous en augmentez l'opinion, estimant que vous ne prenez pas tant de peine sans quelque grand dessein. Ces desseins sont arrivés, en partie du moins, à leur réalisation. Ce sont ces ouvrages de polémique contre les protestants, qui furent publiés plus tard et qui seront par la suite l'objet de notre attention. Ils avaient été préparés durant les longues veilles d'une jeunesse laborieuse, dans le silence de la province, dans la fréquentation des hommes illustres, que le hasard avait réunis à Poitiers, non loin de ce prieuré de Cousset dont Richelieu faisait alors son séjour favori. Si Richelieu quittait Cousset pour se rendre à son autre prieuré des Roches, il se rapprochait d'un autre centre d'études et d'amitié. Tout près de là s'élevait à mi-chemin, entre Chinon et Saumur, le royal monastère de Fontevraud. On sait la grandeur de cet établissement, sa réputation, sa richesse, son orgueil. Fondé par une reine, il se vantait de ne compter depuis près de deux siècles parmi ses abbesses que des personnes appartenant à la famille royale. seul peut-être de tous les monastères de la chrétienté, il était placé sous la domination absolue d'une femme, tant au spirituel qu'au temporel. Son influence s'étendait au loin. Des prieurés en grand nombre dépendaient de la maison-mère. Des moines lui étaient soumis et recevaient de l'abbesse leurs délégations et leurs prébendes. Il ne manquait guère à celle-ci que les ordres. « J'ai ouï compter, » dit même Rabelais, qui en qualité de voisin s'intéressait au singulier spectacle présenté par cet ordre unique, « j'ai ouï compter que le pape Jean XXII, passant par Fontevraud, fut requis de l'abbesse et des mères discrètes leur concéder un indulte, moyennant lequel se pussent confesser les unes aux autres, alléguant que les femmes gardaient mieux le secret que les hommes. » Au début du XVIIe siècle, ce monastère, toujours remarquable par sa puissance et par son caractère exceptionnel, était tombé en décadence. Les religieuses n'obéissaient plus à la règle sévère de l'ordre. Elles violaient le vœu de pauvreté en se réservant des pensions personnelles. Elles rompaient le silence au réfectoire et au dortoir. Elles recevaient, sous prétexte d'hospitalité, des personnes étrangères au couvent. Des scandales plus graves avaient même été signalés. Mais nous sommes précisément à l'époque où un esprit de réforme souffle sur les ordres réguliers français. Fontevraud suit le courant qui emporte le siècle. L'initiateur de cette réforme est un homme dont le nom prononcé pour la première fois dans ces pages accompagnera désormais celui de Richelieu. C'est le père Joseph. François le Clerc du Tremblay, issu d'une bonne famille de l'Anjou, était né à Paris le 4 novembre 1577. Il était donc de 8 ans plus âgé que Richelieu. Il avait été destiné tout d'abord, comme son illustre ami, à la carrière des armes, mais une vocation dans laquelle se confondaient l'élan d'une chaude imagination et l'affirmation d'un caractère énergique l'avait, malgré les instances de sa famille, porté vers la vie ecclésiastique. Il s'était fait moine et avait revêtu l'habit de saint François en février 1599. Bientôt prêtre, puis professeur, puis prédicateur, il s'était signalé par sa piété, son activité, son génie organisateur. Toujours rempli de vastes desseins, il savait les exécuter par les moyens les plus prompts et les plus pratiques. Il n'avait pas son pareil pour deviner les difficultés, pour découvrir ses adversaires, pour les battre en les prévenant. Il avait l'imagination ardente et l'esprit froid. Il était passionné et désintéressé. Fait pour commander, il savait obéir. C'était un homme précieux dans un temps où les divers ordres se disputaient les succès de la polémique, de la propagande et du confessionnal. En grattant la crasse du capucin, on découvre en lui l'homme d'entreprise et l'espèce de grand aventurier qu'il était au fond. Il ne rêvait qu'à de grandes choses, parfois chimériques. Il parlait tous les langages, jouait tous les personnages, était propre aux œuvres religieuses comme aux œuvres politiques. Sa valeur se fit bientôt connaître et ses supérieurs l'envoyèrent au fort du combat, là où s'étaient engagées les plus chaudes et les plus glorieuses mêlées, dans ce Poitou qu'il connaissait, à la porte de ce Saumur qui avait pour gouverneur le plus illustre champion du protestantisme, Duplessis Mornay. À partir de l'année 1607, le père Joseph manœuvre sur ce terrain comme sur un champ de bataille. Chinon est son quartier général. De là, il rayonne sur Saumur, Châtellerault, Poitiers, Fontenay, Fontevraud, Loudun, Angers, se portant partout en personne, surveillant tous les combats et y prenant sa part. D'une main, ébranlant la citadelle de l'hérésie, et de l'autre, restaurant les remparts de la véritable religion. Il lit bientôt connaissance avec ceux qui luttent pour la même cause, avec les évêques de Poitiers et de Luçon. Dès février 1609, celui-ci est en relation avec les capucins de Fontenay. Il les engage à prêcher le carême à Loudun, les prie de venir faire à Luçon même les prières des 40 heures. C'est probablement à cette date qu'il faut faire remonter l'origine des relations du futur cardinal et de la future éminence grise. Dès lors, en effet, ils sont tous deux mêlés à une affaire importante qui réclama pendant plusieurs années leurs soins, et c'est justement la réformation du monastère de Fontevraud. Fontevraud avait pour abbesse Éléonore de Bourbon, tante de Henri IV. mais le pouvoir effectif était passé, à la suite de démêlés assez obscurs, entre les mains d'Antoinette d'Orléans, nommée, dès 1604, coadjutrice. Veuve, à 28 ans, de Charles-Albert de Gondy, marquis de Belle-Île, elle avait pris le voile par une sorte de coup de tête. C'était un caractère singulier, rude, autoritaire, qu'échauffait une dévotion ardente et je ne sais quel désir de se signaler par des vertus excessives. Elle avait longtemps refusé de quitter le couvent des Feuillantines de Toulouse pour prendre la direction du monastère de Fontevraud, et, à peine était-elle arrivée dans celui-ci, qu'elle y semait l'inquiétude et la discorde par ses projets de réforme. Le père Joseph était son directeur et un peu son tyran. C'était ce père qui l'avait imposé au couvent et qui lui avait imposé à elle-même une telle charge. Il lutte avec elle, par elle et contre elle. Tout plie à la fois sous la volonté du Capucin ou succombe devant ses intrigues. Dès 1609, cherchant un appui autour de lui, il s'adresse à l'évêque de Luçon. Celui-ci, profitant du voisinage, voit quel parti il peut tirer de cette circonstance pour pénétrer dans le dédale d'une intrigue où tant de hauts personnages sont directement intéressés. Le moine et l'évêque se sont mesurés d'un coup d'œil, ils se sont compris. À la mort d'Éléonore de Bourbon, en 1611, le père Joseph, poursuivant son dessein, est résolu d'élever Antoinette d'Orléans au rang d'abbesse. On en écrivit à la cour, le roi et la reine régente déléguèrent Richelieu à l'effet de signifier à leur cousine l'ordre d'assumer la direction suprême de Fontevraud. Mais celle-ci, de son côté, avait pris ses précautions. Par un nouveau caprice, elle s'entêtait à quitter un couvent que son despotisme avait troublé. Elle avait obtenu, dès 1609, du pape Paul V, l'autorisation de décliner la charge d'abbesse et de désigner elle-même le lieu de sa retraite. Le chapitre dut choisir une autre sœur, et l'élection présidée par l'évêque de Luçon éleva Madame de Lavedan Bourbon à la dignité abbatiale. Quant à Madame d'Orléans, elle se retira à l'encloître prieuré de Fontevraud. Elle devait bientôt le quitter encore et fonder à Poitiers même, sous l'œil de l'évêque de Luçon et sous la direction persévérante du père Joseph, cet ordre des filles du Calvaire qui restaura en plein XVIIe siècle les minutieuses prescriptions et l'austérité rebutante de la règle de Saint-Benoît. Ainsi, c'est au milieu d'affaires qui nous paraissent aujourd'hui mesquines, parmi les intrigues féminines, les rivalités de couvents et les compétitions de cornettes, que se nouèrent les premières relations entre ces deux hommes d'État dont la collaboration devait porter la France au comble de la grandeur militaire et politique. La première lettre de Richelieu au père Joseph qui nous ait été conservée est relative à une recommandation de minime importance. Elle est datée de 1611. Elle est écrite sur un ton de cordialité qui prouve qu'une affection réelle unissait déjà ces deux hommes extraordinaires. Il faut encore rapporter à cette même époque de la vie de Richelieu sa première liaison avec Bérulle. Le fondateur de l'oratoire n'était pas seulement un très saint homme, c'était aussi un courtisan très souple, et il avait des visées politiques. Il avait su s'insinuer de bonne heure dans la faveur de Marie de Médicis. Richelieu n'était probablement pas sans arrière-pensée lorsqu'il appela Bérulle dans son diocèse pour y fonder un séminaire. Nous avons vu qu'il avait décliné à ce sujet les offres des jésuites. Le monde dans lequel il vivait, évêque, gallican, futur janséniste, théologiens anglais, capucins, oratoriens, était plutôt hostile à la compagnie. Le projet de séminaire n'aboutit pas, du moins tel que Richelieu l'avait conçu, mais les oratoriens n'en verrent pas moins s'établir à Luçon, et Richelieu nous apprend qu'ils trouvèrent dans cette ville la seconde maison qu'ils possédèrent dans le royaume. Bérulle se lia d'une amitié assez étroite avec Richelieu. Il fut de ceux qui contribuèrent à la fortune de l'évêque de Luçon et qui l'aidèrent à gagner, après la mort de Henri IV, le premier rang dans l'intimité de la reine régente. Il est vrai que Richelieu ne se souvint pas toujours de ce service, mais une telle conduite n'a rien qui doive nous étonner de la part de cet homme. Il avait une tendresse larmoyante, toute de surface, qui pouvant au premier abord tromper les âmes tendres, dominées d'ailleurs par la force de son esprit, mais le fond de son cœur était froid, jamais un sentiment ne l'écarta de la ligne que ses calculs lui avaient tracée. Beaucoup l'aimèrent, il aima peu, il n'eut jamais qu'une passion, l'ambition. Les autres sentiments s'effacèrent toujours en lui devant cette maîtresse exigeante. Il devait tromper, il devait abandonner tous ses amis de sa jeunesse, tous ses compagnons de ses premiers travaux, tous ces hommes dont le mérite avait su le comprendre et qui faisaient reposer sur lui leurs plus pieuses, leurs plus chères espérances. À cette époque, un même zèle ecclésiastique les unissait tous, mais pour Richelieu, ce n'était déjà plus qu'un voile qui couvrait d'autres desseins. Ces Gallicans devaient le voir bientôt, aux États de 1614, soutenir au nom du clergé les principes ultramontains. Ces jansénistes ne devaient pas rencontrer à leur début de pires adversaires, ces catholiques, enfin, et ce mot avait à cette date un sens politique tout spécial, ces catholiques devaient voir le cardinal arrivé et choisi par eux soudainement leur tourner le dos, rechercher l'alliance des politiques et des protestants, les pourchasser et les combattre jusqu'à l'exil, jusqu'à la prison, jusqu'à l'échafaud. Seul de ses amis des premiers temps, le père Joseph resta près de lui. La politique qui les sépara des autres les unit au contraire plus fortement. Une confidence grave et forte s'établit de bonne heure entre ces deux esprits. Ils s'accompagnèrent dans toutes les vicissitudes de la fortune. Ils savaient tout, l'un de l'autre. Ils portaient sur les hommes et sur les choses un même jugement. Richelieu, pourtant plus précis, plus pratique, avec quelque chose de dominateur, une clarté et une gaieté d'homme d'action. Le père Joseph, plus ténébreux, plus muet, embrassant plus encore peut-être, mais avec une conception moins nette du possible. Couvrant ses desseins si vastes, ses menées si complexes, ses voies si tortueuses, de l'humilité réelle du capucin, travaillant durant toute sa vie à je ne sais quelle chimère de croisade qui ne pouvait aboutir, mais entre-temps se soumettant volontiers à l'exécution des volontés de son ami et réunissant la Lorraine et l'Alsace à la France. Quel que dût être l'avenir de tous ces hommes éminents d'une même profession, d'un même séjour, des goûts analogues, des intérêts communs rapprochaient, on croira facilement que la vigoureuse intelligence de l'évêque de Luçon était appréciée par eux à sa juste valeur. On le considérait déjà, malgré sa jeunesse, comme une lumière de l'Église. On comptait sur lui pour illustrer ce Poitou qui, pour la plupart d'entre eux, était la terre d'origine. Poitiers, qui s'enorgueillissait encore à cette date de son université, de l'affluence des étudiants étrangers, du goût de sa bourgeoisie pour les lettres et les sciences, Poitiers commençait à faire au commensal de son évêque un cortège d'approbation et d'honneur. Les Citois, les Pidoux, les Chouanins, médecins, littérateurs, avocats, les Sainte-Marthe, les Boutilliers, à la fois personnages publics et hommes de haut savoir, les Blackwood, les Barclay, professeurs étrangers, appelés de loin par l'illustration de l'enseignement et par les faveurs dont il était entouré, tous ces hommes s'attachaient au jeune évêque, s'ingéniaient à tirer l'horoscope de sa fortune, escomptaient peut-être déjà ses futures bonnes grâces. C'est au milieu de cette réunion de solides esprits que s'écoulent les années de l'évêché. Richelieu se livre en compagnie de ses ecclésiastiques, de ses professeurs, à de vastes études qui forment en lui à la fois le théologien et le politique. Il développe ses aptitudes à la controverse, à la polémique écrite et parlée. Il prépare, par une lecture immense et dont les traces sont parvenues jusqu'à nous, ses grands ouvrages de théologie dont la rédaction fut toujours pour lui un loisir grave, un repos fortifiant, une consolation dans des temps d'épreuve. Richelieu reçoit ainsi à Poitiers une nourriture intellectuelle qui, dans son ragoût provincial, n'en est pas moins éminemment substantielle. C'est par là qu'il se rattache au XVIe siècle et qu'il en garde même dans l'amoindrissement du siècle suivant l'originalité et la vigueur. C'est cette première culture qui forme tout un côté de son être. Il lui doit particulièrement ce goût littéraire qu'il ne perdra jamais, cette préoccupation du style, de la langue, qui feront de lui le fondateur de l'Académie française. Les succès obtenus dans ce monde choisi et très aux écoutes d'une université provinciale donnèrent de bonne heure au jeune évêque confiance en lui-même, Dès 1611, ce sentiment se manifeste par l'ambition qui lui vient de représenter la province ecclésiastique de Bordeaux dont il était suffragant à l'assemblée du clergé qui allait se réunir à Paris. Quoique malade, Richelieu s'agite, se pousse. Son métropolitain était alors Sourdis, archevêque de Bordeaux. Richelieu lui écrit maintes lettres obséquieuses. Ce n'est pas qu'il se présente, mais quelques-uns des diocèses circonvoisins ont lancé sa candidature. Il ne fait que la soutenir. En réalité, il y tient beaucoup. Ce serait une première occasion de se signaler. L'élection a lieu à Bordeaux sous l'œil du métropolitain. Mais il n'est pas favorable. Richelieu, au moment décisif, envoie son fidèle vicaire Boutillier. Celui-ci multiplie les intrigues, remue ciel et terre et tient son évêque au courant de tout ce qu'il fait. Mais la réputation de l'évêque de Luçon n'a pas encore dépassé les limites du Poitou. Les autres évêques s'étonnent de cette ambition prématurée. L'assemblée élit l'archevêque lui-même, monseigneur de Sourdis, et l'évêque d'Or, coadjuteur de Condom. Boutillier revient à Luçon, rapportant pour se justifier le procès-verbal de l'élection et le compte-rendu des intrigues auxquelles s'étaient livrés les concurrents du jeune prélat. Ce premier échec paraît lui avoir été pénible, il se replie sur lui-même, c'est alors qu'il sent le poids de ce long séjour en province, qu'il s'enfonce dans son ermitage de Cousset, qu'il s'abandonne à son humeur mélancolique, qu'il se propose de quitter cet étroit horizon, d'aller plus souvent à Paris, de s'y installer ou d'y faire de plus longs séjours. Mais ces moments de découragement que le mauvais état de sa santé aggravent encore ne tardent pas à se dissiper. En d'autres temps, il se rend justice à lui-même, goûte les succès qui lui viennent, se félicite des grandes relations qu'il se crée. De Paris même, on lui écrit que sa réputation va grandissant et que le cardinal Duperron le cite comme exemple au jeune prélat. L'évêque d'Orléans lui adresse sur le mode ironique des lettres au fond pleines de respect et d'éloges. Le père Coton lui écrit sur un ton déférent. Tant de travail, de prudence et de réserve n'est donc pas en pure perte. Une occasion manquée, d'autres se retrouvent. Il faut seulement être toujours prêt à les saisir et sans se laisser décourager par des échecs momentanés, s'assurer le succès définitif en y pensant toujours.